Funky Fix, CGB Blaze. On écrit nos names en pissant dans la neige. Year 2010. The red, yeah. Listen this, every boy, every girl. The 2010. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts. À gauche, pousse à droite, fais les mouvements. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts, faut que ça pousse. Ok, c'est mouvement tectonique ce soir. Ça va être électrique, électrochoc. Gauche, droite, danse sur le dance floor. Gauche, vas-y, fais du dance core. Top tes par les bras en l'air. T'accélères et top tes par les bras en l'air. Ce soir, tu vas gagner, remporter tous les trophées. Ce soir, je pars de chez moi faire un tournoi. Truc de barjo, truc de dingue. Ça se voit dans un building, troisième sous-sol. Pas besoin de la boussole, ok. La vie c'est prendre du bon temps. La vie c'est pas apprécier chaque moment. Chaque minute qui passe, chaque minute qui tombe. Une bombe tombe, une maison s'effondre, t'es des gâtons. J'suis venu à la coupe pleine, la race humaine a trop la haine. Ils tuent les ours, les phoques, les baleines. Wesh mon gars, c'est comme As, me parle pas ta mauvaise haleine. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts. À gauche, pousse à droite, fais les mouvements. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts, faut que ça pousse. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts. À gauche, pousse à droite, fais les mouvements. Pousse à gauche, pousse à droite, faut que ça pousse dans la boîte, faut que ça pousse sur les watts, faut que ça pousse. Listen this, every boy, every girl. Do the red, bit. 2010.